On va parler de hockey féminin. C'est un petit bout de temps que je n'y ai pas parlé. C'est Stéphanie Lanacette de Saint-Félicien. L'autre fois, elle a remporté une belle bourse et ça m'a donné l'idée de l'appeler pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle a rendu, qu'est-ce qu'elle fait. Puis, fil en aiguille, ben, j'ai appris qu'elle maintenant elle évolue pour l'Université de Concordia. Quoi qu'il en soit, on lui passe. Salut Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, d'abord, l'Université de Concordia cette année, c'est ta première année. Comment se trouve ça? C'est ça, c'est une adaptation parce que premièrement, c'est anglophone, donc toutes les pratiques, mes cours se font en anglais. C'est ça, ça a été un petit peu d'adaptation, mais au niveau hockey, ça se passe très bien, puis je suis très, très contente de mon choix d'aller à Concordia. OK. Parce que ça fait un méchant bout qu'on ne s'est pas parlé. Je pensais que tu étais Oui. encore au cégep Limoilou. Y avait-tu bien des universités qui te couraient après ou qui t'ont fait de l'œil et t'as signé? Ouais, c'est sûr que je suis allée visiter quelques universités. Il y avait aussi aux côtés des États-Unis qui m'avaient déjà approché dans mes premières années au Cégep, mais mon choix a été fait que je voulais rester au Québec, donc c'est juste que je choisissais après ça où est-ce que j'allais aller. C'est sûr que le côté anglophone m'intéressait aussi, donc je trouvais que Concordia m'offrait les deux, de rester au Québec et d'aller dans l'université anglophone. OK. C'était ça vraiment qui était la clé, l'université anglophone? C'était ça qui... Pas vraiment la clé, c'est sûr Ouais. qu'il fallait qu'il y ait mon programme universitaire, évidemment, que je me sente bien, puis que j'ai une bonne aussi relation avec les coachs et un peu leur vision d'équipe. Puis ça, c'était plus un bonus, là, honnêtement. Je pense que l'anglais est rendu tellement important dans nos jours que puis je voulais aussi vraiment plus l'apprendre et devenir bilingue complètement. OK. Donc, puis, en quoi t'étudies en quoi? Là, je suis en sciences des loisirs. OK. Donc, Ouais, c'est éventuellement, un puis bac. ça, c'est un 3 ans, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que je peux faire 5 ans universitaires en jouant au hockey. Donc, je vais voir après mes 3 ans qu'est-ce qui va se passer après ça. OK. Parlons-en de hockey. Comment ça va sur la glace? C'est sûr que tu es une année recrue, donc Oui. comment ton entraîneur ou entraîneuse s'utilise? Oui, c'est ça, c'est une entraîneuse, c'est Julie Chou. On a la chance de l'avoir fait 3 ans avec le programme de Concordia. Puis en étant une recrue, c'est sûr que c'est un petit peu d'adaptation parce que le level est plus fort que niveau collégial. Donc pour ça, puis en plus, je reviens d'une opération de cet été que j'ai eue. Donc un petit peu plus difficile aussi de retourner sur la glace après avoir été 3 4 mois en complet arrêt d'aller sur la glace et d'entraînement. Donc c'est sûr qu'il y a une adaptation, mais à date ça se passe vraiment bien, puis je retrouve aussi l'hockey que je jouais d'avant. OK. Puis on t'utilise comment? Honnêtement, moi je peux pas chialer à date sur mon temps d'utilisation. Je pense que les coachs me font confiance, puis ils ont aussi beaucoup d'intérêt à me faire jouer parce qu'ils apprécient mon style de jeu. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'avoir de belles opportunités sur la glace en jouant avec les meilleures filles de l'équipe aussi. OK. Comment c'est le calibre, la différence? C'est beaucoup plus vite, honnêtement. OK. On fait quand même le saut. C'est ça qui est intéressant parce qu'au Québec, avant, c'est ça qui manquait un peu. Il manquait un peu de calibre, mais plus ça va, plus que les équipes sont fortes. On le voit dans la ligue, tout le monde bat tout le monde, ou presque. Fait que c'est quand même des games assez serrés, tout le temps des 2 à 1 ou des affaires comme ça. Puis aussi, le niveau physique, c'est beaucoup plus un jeu robuste. On le voit sur le coin des bancs, les filles se tiennent debout, puis ça joue beaucoup plus physique qu'au niveau collégial. OK. Comment tu vois ça, l'avenir? Est-ce que. Parce que là, les Olympiques s'en viennent. Est-ce que Stéphanie Lanacette a une chance légitime de faire partie des. Parce qu'à Saint-Félicien, on a beaucoup Marianne. Normalement, Cassandra Baudette, s'il n'y a pas trop de bad luck, en patinage de vitesse, devrait également être là. Mais est-ce que Oui, Stéphanie j'espère Lanacette bien. a des chances? Pas pour les prochains, je crois pas. Surtout avec mon opération, je suis encore une jeune joueuse et j'ai tellement de choses à apprendre que le processus, il commence, je pense, l'année prochaine. C'était commencé en 2017 pour les Olympiques de 2018 avec l'équipe canadienne, mais honnêtement, je ne penserais vraiment pas atteindre ce niveau-là pour les prochains Olympiques. C'est sûr que pour les autres d'après, on va voir, mais c'est ça, comme je dis, je suis encore une jeune joueuse, puis j'ai beaucoup de développement personnel à faire. OK. Est-ce que le calibre est fort? Est très fort. Est-ce que tu vois là, les filles en 5 ans, est-ce que tu vois que le hockey féminin se développe de plus en plus? Oui, honnêtement, c'est vraiment beau à voir comment le hockey féminin au Québec qui se développe. En voyant le côté universitaire qui est vraiment rendu fort et vite, c'est vraiment intéressant. Puis c'est pour ça aussi que je suis restée au Québec parce que je voyais une belle opportunité de me développer. Surtout à Concordia avec le staff de coach. Je ne sais pas si vous savez, on a Caroline Ouellette, on a Lauriane Rougeau, Julie Chu, ces trois Olympiennes qui sont avec nous sur la glace presque à tous les jours puis qui nous aident beaucoup à notre développement. Donc ça va, je pense, être une clé majeure pour moi dans mes 4-5 ans à l'université ici. Tu me corriges, je me trompe, mais je pense que l'entraîneuse que tu as parlé, c'est vraiment c'est une entraîneuse légendaire. Je pensais, si tu me corriges, son nom n'est pas inconnu. Est-ce que je me trompe? Au Canada anglais. Non, non. Ouais, non. Julie Chu a joué, Ouais, hein? je sais pas comment, le nombre d'Olympiques pour l'équipe des États-Unis, par exemple. OK. Puis là, ça fait 3 ans qu'elle est avec le programme de Concordia, puis elle a complètement changé le programme, a fait du bon travail, puis on voit vraiment une amélioration au niveau de cette équipe-là depuis quelques années. Le classement, ça dit quoi? Le classement de Au Concordia? classement, je pense qu'on est 4e sur 5. On OK. n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Par exemple, je suis assurée qu'on a une bonne équipe, ça c'est sûr. C'est juste qu'il faut juste le monter sur la glace et le prouver avec le résultat. Parce qu'en tant que tel, toutes nos games qu'on a jouées, c'était des games serrées. Puis, non, c'est genre, moi je trouve qu'on a une bonne première moitié de saison. Il faut juste le prouver avec le résultat dans la prochaine pour éventuellement se classer. Parce qu'il y a 4 des 5 équipes qui se classent pour les semi-finales, en fond, si vous voulez. C'est ça. Ouais. OK. Ben, Stéphanie, ça m'a fait plaisir de te reparler. On va se tenir au courant un peu plus, si tu veux bien. Oui, pas de problème, merci à vous. Stéphanie Lalancette de Saint-Félicien qui s'aligne avec les Stingers de Concordia du côté de l'équipe féminine.